Chapitre 6 Charlemagne en Espagne. Abiathar et Ibn al-Arabi trouvèrent Charlemagne à Paderborn. L'empereur leur donna immédiatement audience. « Seigneur, dit Abiathar, nous venons, accompagnés d'une centaine des nôtres, vous déclarer foi et hommage. Le bruit de votre gloire sans pareil est arrivé jusqu'à nous, et nous avons pensé que celui qui accomplissait tant de prodiges devait être le favori du Très-Haut. Nous avons étudié en secret les livres de votre religion, nous y avons trouvé la source de toute vérité et de toute vertu. Ils nous ont convaincus et nous ont donné un ardent désir de devenir chrétiens. Nous voulûmes alors faire des prosélytes et, foulant aux pieds le croissant, nous eûmes le courage d'arborer la croix. Le martyr faillit précéder pour nous le baptême. Marsille nous poursuivit et donna l'ordre de nous faire subir les plus affreuses tortures. Mais Dieu nous vint en aide, nous pûmes échapper aux bourreaux qui nous poursuivaient, et nous voici au pied du chef le plus puissant du monde chrétien pour lui demander le baptême. » Ce discours mensonger fit la meilleure impression sur l'esprit de Charlemagne. « Nous venons en outre, Seigneur, ajouta Ibn al-Arabi, vous annoncer que Marsille prêche la guerre sainte et qu'il se prépare à envahir vos états. Nous ne vous apportons pas les présents d'usage, l'or, les pierreries, les riches étoffes. Nous faisons mieux, nous vous apportons l'Espagne. À vous les clés de Huesca, de Valence et de Saragosse. Ces villes nous sont dévouées. » Et vous attendent pour renverser le croissant et adorer la croix. Nous nous déclarons dès à présent vassaux de la couronne de France et offrons de vous livrer les quatre seuls passages praticables qui existent dans les Pyrénées, savoir ceux de Barcelone, de Puigcerda, de Pampelune et de Tolosa. Les chrétiens d'Aragon, de Castille et de Léon sont prêts. Au premier signal, ils descendront des hauteurs inaccessibles qui leur servent de refuge pour se joindre à vous. Des Asturies à la Catalogne, l'étendard de la croix est prêt à se lever. Réunissez en hâte une armée puissante et surprenez ceux qui s'apprêtent à vous surprendre. » Charlemagne fut si ravi qu'il tendit les bras aux deux émirs et les baisa à la joue et au menton. Puis il les présenta à ses pairs, barons et évêques, et les invita à redire devant eux les nouvelles qu'ils lui avaient apportées, ce qu'ils firent. « C'est Monseigneur Saint-Jacques qui me les envoie, se dit l'empereur, et par la benoîte Vierge Marie, je jure bien de ne pas le laisser attendre. » La guerre était résolue depuis plus d'un mois déjà, lorsque les deux alcaïdes arrivèrent à Paderborn. Ils ne tardèrent pas à voir accourir de toutes parts les armées que Charles y avait convoquées. « Il faut que vous sachiez, mes enfants, que les comtes qui possédaient des terres fiscales, c'est-à-dire relevant du domaine de la couronne, devaient se tenir en tout temps prêts à la guerre et se rendre avec leur contingent d'hommes d'armes au premier appel, là où il plaisait aux souverains de les réunir. Charlemagne ne fit jamais de préparatifs plus formidables que pour cette expédition d'Espagne. Il appela le banc et l'arrière-banc de ses fidèles de Neustrie, de Bourgogne, d'Austrasie, de Germanie, de Bavière, de Septimanie et de Provence. Il convoqua jusqu'à des Lombards, bien qu'ils fussent à peine soumis. On était au commencement du printemps. L'empereur jugea le moment favorable pour entrer en campagne. Il se rendit d'abord à sa ferme de Casseneuil en Poitou. Il célébra la Pâque et partit de là à la tête de la plus merveilleuse armée qu'il eût encore commandée. Les Sarrasins qui assistaient à ce défilé en furent épouvantés. D'abord passèrent 200 000 simples soldats, vêtus de 100 manières différentes, suivant la contrée d'où ils venaient, et il en était arrivé de tous les points de l'Europe. Ensuite, les machines de guerre, tours, balistes, onagres, scorpions et catapultes. Puis les paladins, les comtes et les pairs du royaume, suivis des évêques, des abbés et des clercs de la chapelle royale. Quand parut Charlemagne, revêtu de son armure de combat, les Sarrasins frissonnèrent. « C'est fini de l'Espagne, » dirent-ils en versant d'abondantes larmes. « Quel peuple, quelle ville, quel rempart résisterait à de tels hommes ? Un tourbillon de fer va s'abattre sur les enfants du prophète. Que ferions-nous sur la terre après cela ? Allons mourir où nous sommes nés. » Et les Sarrasins, sans attendre la fin du défilé, partirent ventre à terre. On les retrouva plus tard parmi les morts, sous les murs de Saragosse. L'empereur divisa son armée en deux corps. L'un, composé de Lombards et d'Austrasiens, partit de Narbonne sous les ordres du comte Bernard, entra en Espagne par Perpignan, suivit la mer jusqu'à Barcelone et occupa la Catalogne jusqu'à l'Èbre. Le second corps, composé de l'élite de l'armée, des comtes et des pairs, franchit, sous les ordres de l'empereur, les Pyrénées du côté de la Gascogne et de la Navarre et vint mettre le siège devant Pampelune, où arriva à son tour le comte Bernard. Le siège durait depuis 3 mois et il était des plus sanglants lorsqu'un jour Charlemagne, s'étant agenouillé, fit cette prière. « Sire Jésus, je suis venu en ce pays pour votre plus grande gloire et à cette fin de détruire la gens sarrasine, votre plus grand ennemi sur la terre. Donnez-moi que je prenne ce repère d'infidèle et je le purifierai, et l'on chantera vos louanges là où l'on encense les faux dieux. Et vous, Seigneur Saint-Jacques, si vous m'êtes réellement apparu, si j'accomplis bien les ordres que vous m'avez donnés, priez le sire Jésus qu'il me laisse prendre cette cité. » Il se releva réconforté, ordonna l'assaut, et ce jour-là Pampelune fut prise. 100 000 Sarrasins reçurent le baptême. Ceux qui voulurent demeurer en mécréantise furent oxy. Les Francs suivirent ensuite le cours de l'Èbre et mirent le siège devant Saragosse. La ville résista de son mieux. Mais elle était condamnée. Elle eut le sort de Pampelune. Les Sarrasins émerveillés se résignèrent. Partout les alcaïdes et les émirs accouraient au-devant du roi des Francs et lui rendaient hommage. Ceux qui ne pouvaient venir lui envoyaient des otages et lui payaient tribut. Charles parcourut en vainqueur tout le nord de l'Espagne, de la Catalogne à la Galice, adoptant le cours de l'Èbre pour frontière, recevant plutôt que prenant les villes et châteaux. Il se rendit à Compostelle, visita dévotement la sépulture de Saint-Jacques, ainsi qu'il l'avait promis, et fit donner le baptême aux Galiciens qui avaient abandonné la foi de leur père pour le service de Mahomet. Il établit des ministres de la Sainte Église dans les principales villes d'Espagne, et assembla dans le mois de juillet un conseil de 60 évêques et un parlement de barons, dans lesquels il décida que tous les archevêques, évêques, rois ou princes d'Espagne et de Galice, présents et à venir, devraient obéissance à l'archevêque de Compostelle. L'église fut à tout jamais dédiée à Saint-Jacques. Ce fut Turpin qui officia. Elle reçut comme douaire une rente de 4 deniers par an, que devait lui payer chaque chef d'hostel, et fut affranchie de tout servage. Il déclara en outre que sa volonté était que tous les évêques y fussent mitrés et tous les rois couronnés par l'archevêque du siège, en l'honneur de Dieu et de Saint-Jacques. C'est ainsi que l'empereur paya sa dette à l'apôtre. Ceci fait, il poursuivit son chemin jusqu'à la pointe finale de la côte espagnole qui a nom aujourd'hui Cap Finistère. Là, il jeta sa lance dans la mer et, voyant qu'il ne pouvait passer outre, il rendit grâce à Dieu et à Saint-Jacques de l'avoir aidé à conduire son expédition à bonne fin. Le restant de l'or et de l'argent qu'il rapporta d'Espagne lui servit à restaurer et à fonder maintes églises, à savoir Notre-Dame-Sainte-Marie à Aix-la-Chapelle et Saint-Jacques en la même ville, une seconde église de Saint-Jacques à Béziers, une troisième à Toulouse, une autre en Gascogne, entre le village de Saint-Jean de Sorja et Aix. Une dernière, enfin, à Paris, entre la Seine et Montmartre, dont il ne reste plus que la haute tour connue sous le nom de Tour Saint-Jacques, la Boucherie. L'empereur divisa ses nouvelles provinces en deux marches, qu'il appela marches de Septimanie et de Gascogne. La première, composée de la Catalogne actuelle, eut Barcelone pour capitale. La seconde, comprenant la Navarre et l'Aragon, eut pour capitale Saragosse. Louis, roi d'Aquitaine, fils de Charlemagne, eut pour mission de contenir les populations soumises jusqu'à l'Èbre. Marsille comprit qu'il ne pourrait jamais avoir raison de ses ennemis par la force. Il résolut d'employer la ruse. Et vous verrez un peu plus loin comment il s'y prit.